cambie todo, pero no el amor. Es la misión más grande que tenemos tú y yo en esta vida, que aprender, entender y saber. Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la vida. Je me trouve aujourd'hui avec Philippe Velázquez. Philippe, d'origine franco-colombienne, est en train de créer son propre projet comme entrepreneur. Bonjour Philippe. Bonjour. Et voilà, tu vas nous parler un petit peu de ce projet, mais au début, on voudrait savoir un petit peu plus sur ton passé, sur ton parcours dans la vie. On t'a présenté comme franco-colombien. Quand est-ce, tu es né en Colombie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui, je suis né en Colombie. Et tu es venu à l'âge de... Je suis arrivé à l'âge de 7 ans en 1983 en France. D'accord, donc à cet âge tu arrives déjà en France, et quels sont les motifs, peut-être pas les tiens, parce qu'à 7 ans peut-être que tu n'en avais pas, mais les motifs qui font que ta famille, ta mère précisément, vient en France? Eh bien c'est tout simple, hein. Ma mère a connu mon beau-père en France. Et moi et mon frère qui était en Colombie, donc elle nous a amenés pour rapprocher la famille. Et voilà, on ne peut pas retirer ses enfants, donc elle nous a amenés en France. D'accord, donc à 7 ans tu te retrouves ici, où est-ce que tu arrives précisément? Donc nous on était arrivés en premier temps sur Paris, on est resté une semaine. À partir de là, mon beau-père a été muté sur Orange. Et c'est sur Orange, justement, dans le Vaucluse, qu'on a commencé à habiter en France. D'accord. Et à 7 ans, qu'est-ce que ça fait de venir d'un pays si différent comme la Colombie, d'arriver en France? Qu'est-ce que ça suppose, tout ça? Mais quand vous êtes jeune, c'est vraiment délicat, hein, le fait de changer d'un pays à un autre et au niveau de la culture. C'est vrai que... En ce qui me concerne par rapport à mon expérience d'enfant, ça me faisait tout bizarre d'entendre une autre langue et voir d'autres lieux. Je suis vraiment resté impressionné. D'accord. Ensuite, tu es resté ici depuis. Et à 18 ans, tu me disais que tu fais ta démarche pour te naturaliser, pour devenir franco-colombien. Oui, tout à fait. On avait justement, j'avais fait ce cursus normal au niveau de scolarité, au niveau de l'école. Et c'est à partir du 18 ans qu'on fait la démarche à suivre auprès de l'administration, de demander sa nationalité. Et il est vrai que la France et la Colombie ont eu des accords pour avoir la double nationalité. Donc j'avais fait en sorte justement de faire cette démarche-là pour avoir la double nationalité. Et aujourd'hui je suis franco-colombien. D'accord. Est-ce que tu as senti, depuis que tu es venu, même si ça fait beaucoup de temps que tu es ici, des discriminations à cause de ton origine? Oui, tout à fait. Ça peut être au niveau de l'origine et ça peut être aussi au niveau de l'apparence, hein. Il est vrai que par rapport au niveau professionnel, les personnes ils avaient tendance justement à ne pas voir soit la connaissance ou la culture que la personne avait. Non, c'était plus au niveau de l'apparence. Et c'est vrai qu'à un niveau professionnel, ça limitait beaucoup. Ouais. On va un petit peu parler de cet aspect professionnel. C'est il y a 4 ans que tu es arrivé ici au Pays Basque. 6 ans, pardon. Je vous en prie. Et pourquoi tu es venu et quelle a été ta démarche professionnelle depuis? Alors, je suis arrivé parce que j'avais de la famille, moi, à Saint-Sébastien. Donc, il est vrai que je passais des vacances de temps en temps par ici, au Pays Basque. Et comme je suis très nature, comme je voyais... du côté espagnol comme du côté français, il y avait beaucoup montagnes, rivières et tout cela. Mais ça, j'aimais beaucoup. Donc, à un moment donné, je me suis dit, tu as une double couture, si on peut dire. Tu as deux langues et il vaut mieux en profiter. Donc, au cours du temps, j'avais décidé justement de m'installer par ici. Et à ce moment-là, tu arrives, tu cherches du travail. Comment ça se passe? Voilà, donc arrivé ici, j'ai commencé à chercher du travail et j'avais commencé auprès des agences d'intérim. Donc, ils me donnaient du travail de temps en temps, ce qu'ils appellent eux des missions par ici, une mission d'une semaine, une mission de 2 semaines. Et ça se passait comme ça. Et là aussi, est-ce que tu rencontres des difficultés ou ça marche bien? Mais tout dépend, hein, parce qu'après, c'est dans quel secteur on veut y être. Moi, ça a toujours été dans la vente. Et il est vrai que dans la vente par ici, c'était très restreint, très limité. Maintenant, à savoir si les personnes faisaient leur choix, ça, je ne peux pas vous dire. Mais il est vrai que ça, j'ai jamais fait... arriver ici, le travail que je faisais auparavant. Et depuis, tu es rentré dans une entreprise un peu plus grande, mais à cause de la crise, cette entreprise, elle a licencié beaucoup de gens, parmi lesquels toi-même, et c'est là que tu commences un peu à chercher du travail dans le pôle emploi, etc., n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. C'est qu'à un moment donné, quand il y a eu cette crise, eh bien, j'ai continué toujours à chercher du travail, que ce soit avec les agents d'intérim, que ce soit avec Pôle emploi. Et il s'est avéré que Pôle emploi, eh bien, chaque fois, ils me disaient qu'ils n'avaient rien. J'allais aux agences d'intérim également. Et à un moment donné, je me suis dit, eh bien, tu vas quand même tenter ta chance. Tu vas essayer de devenir en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que c'est un statut qui facilite beaucoup aux personnes qui ont besoin justement de créer sa propre entreprise. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis en train de faire les démarches pour que ça se fasse, que ça devienne concret et que ça marche. Et que si par la suite, je me donne un emploi à moi et après, si je peux, si ça marche bien, donner des emplois aux autres. Et est-ce que, pareil qu'on a parlé, que parfois c'est difficile d'avoir une origine multiculturelle, disons, à cause des discriminations, est-ce que parfois ça apporte aussi des aspects positifs, par exemple, dans la création de ce projet ou dans d'autres exemples? Ben oui, déjà en commençant par les langues, donc l'espagnol et le français, et après c'est l'adaptation au niveau des personnes, au niveau de l'emploi qu'on vous donne, au niveau des responsabilités qu'on vous donne, et il est vrai que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup de s'adapter par rapport à cette discrimination. Et bien, c'était pareil, il fallait s'adapter. Et bien également, là c'est pareil, quand vous devenez auto-entrepreneur, vous essayez de vous adapter aux clients, aux produits, et aux questions financières aussi. Mais d'accord, Philippe, merci beaucoup et à une prochaine fois. Entendu, merci. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Thank you. 50.